C'est l'eau. On se rapproche du très haut. On s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Oh, oh, oh, oh, oh. Qui émane du très haut. Nos fonds des sur des lèvres. Où il nous faut du l'eau. On se rapproche du très haut. On s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Oh, oh, oh, oh, oh. Qui émane du très haut. Notre système est fondé sur l'oppression, l'impression d'un monde sans expression, l'hémorragie de la hiérarchie, ébullition, du mal on veut la radicale abolition, l'homme a oublié sa mission, j'ai oublié ma mission, car l'argent nous campe dans une fiction, y a beaucoup trop de friction, trop de compétition, 24 heures sur 24 sous tension, l'eau, on se rapproche du très haut. On s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Oh, oh, oh, oh, oh. Qui émane du très haut. Nos fonds des sur des lingots. Où il nous faut du l'eau. On se rapproche du très haut. On s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qui émane du très haut. Voilà que le front est en sueur. Dans les couloirs du métro, tu ne cesses de courir à toute heure. Tu as raté un rendez-vous d'embauche important parce que tu as eu un incident. Dans ce monde, rare est la deuxième chance. Demande à la forêt d'Amazonie ce qu'elle en pense. Ça y est, prends le mic et gère la cadence. Et ouais, mais aussi les frères pour leur pure présence. C'est lourd. On se rapproche du très haut. On s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Oh, oh, oh, oh. Qui émane du très haut. Nos fonds des sur des langues. L'eau, on se rapproche du très haut, on s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau, oh, oh, oh, oh, oh, qui émane du très haut. Je ne veux pas de xénophobie, non, non, non, non, non, je ne veux pas d'hétérophobie, oh non. Non, non, non, pas d'agoraphobie, pas de claustrophobie, pas de pédophilie, encore moins de sorcellerie, pas de microphobie, pas de tempophobie, moi je veux de la théophilie. C'est l'eau, on se rapproche du très haut, on s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau, oh, oh, oh, oh, oh. Qui émane du très haut, nos fonds des sur des lingots, il nous faut du l'eau. On se rapproche du très haut, on s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Oh, oh, oh, oh, oh, qui émane du très haut. C'est l'eau. L'eau.